Deuxième partie, livre cinquième. Suite. Tout ne fut pas fini quand on m'eut rendu mon discours. On voulait me contraindre à en faire un second. Je déclarai que je m'en tenais au premier et que je n'en ferais pas d'autre. La commission me déclara alors que je ne serais pas reçue à l'académie. Des personnes pleines de grâce, de générosité et de courage que je ne connaissais pas s'intéressaient à moi. Madame Lindsay, qui, lors de ma rentrée en France en 1800, m'avait ramenée de Calais à Paris, parla à Madame Gay. Celle-ci s'adressa à Madame Regnault de Saint-Jean-d'Angély, laquelle invita le duc de Rovigo à me laisser à l'écart. Les femmes de ce temps-là interposaient leur beauté entre la puissance et la fortune. Tout ce bruit se prolongea par les prix décennaux jusque dans l'année 1812. Bonaparte, qui me persécutait, fit demander à l'Académie, à propos de ces prix, pourquoi elle n'avait point mis sur les rangs le génie du christianisme. L'Académie s'expliqua. Plusieurs de mes confrères écrivirent leur jugement peu favorable à mon ouvrage. J'aurais pu leur dire ce qu'un poète grec dit à un oiseau. « Fille de l'Attique, nourrie de miel, toi qui chantes si bien, tu enlèves une cigale, bonne chanteuse comme toi, et tu la portes pour nourriture à tes petits. » Toutes deux ailées, toutes deux habitant ces lieux, toutes deux célébrant la naissance du printemps, ne lui rendras-tu pas la liberté? Il n'est pas juste qu'une chanteuse périsse du bec d'une de ses semblables. Ce mélange de colère et d'attrait de Bonaparte contre et pour moi est constant et étrange. Naguère il menace, et tout à coup il demande à l'Institut pourquoi il n'a pas parlé de moi à l'occasion des prix décennaux. Il fait plus, il déclare à Fontane que, puisque l'Institut ne me trouve pas digne de concourir pour le prix, il m'en donnera un, qu'il me nommera surintendant général de toutes les bibliothèques de France, surintendance appointée comme une ambassade de première classe. La première idée que Bonaparte avait eue de m'employer dans la carrière diplomatique ne lui passait pas. Il n'admettait point, pour cause à lui bien connue, que j'eusse cessé de faire partie du ministère des Relations extérieures. Et toutefois, malgré ses munificences projetées, son préfet de police m'invite quelque temps après à m'éloigner de Paris et je vais continuer mes mémoires à Dieppe. Note. Le 4 septembre 1812, Chateaubriand reçut du préfet de police l'ordre de s'éloigner de Paris. Il se retira à Dieppe. Voir le tome 1 des mémoires, page 63. Avant de quitter Paris, il adressa ce billet à Joubert par manière d'adieu. « Mon cher ami, je voulais aller vous embrasser, je pars cette nuit pour Dieppe. J'ai grand besoin de respirer un peu l'air de ma nourrice, la mère. La chatte, madame de Chateaubriand, va se trouver bien seule puisque vous partez aussi. Je vous embrasse donc tendrement, ainsi que le loup, madame Joubert. » À la page 191 de son livre sur Chateaubriand, M. Villemain, qui brouille volontiers les dates, place en 1813, au lieu de 1812, l'exil à Dieppe. Fin de note. Bonaparte descend au rôle d'écolier taquin. Il déterre l'essai sur les révolutions et il se réjouit de la guerre qu'il m'attire à ce sujet. Un monsieur Damas de Raymond se fit mon champion. Je l'allais remercier rue Vivienne. Il avait sur sa cheminée, avec ses breloques, une tête de mort. Quelque temps après, il fut tué en duel et sa charmante figure alla rejoindre la face effroyable qui semblait l'appeler. Tout le monde se battait alors. Un des mouchards, chargé de l'arrestation de Georges, reçut de lui une balle dans la tête. Pour couper court à l'attaque de mauvaise foi de mon puissant adversaire, je m'adressai à ce monsieur de Pomerol, dont je vous ai parlé lors de ma première arrivée à Paris. Il était devenu directeur général de l'imprimerie et de la librairie. Je lui demandai la permission de réimprimer l'essai tout entier. On peut voir ma correspondance et le résultat de cette correspondance dans la préface de l'essai sur les révolutions, édition de 1826, tome 2e, des œuvres complètes. Au surplus, le gouvernement impérial avait grandement raison de me refuser la réimpression de l'ouvrage en entier. L'essai n'était, ni par rapport aux libertés, ni par rapport à la monarchie légitime, un livre qu'on dut publier lorsque régnait le despotisme et l'usurpation. La police se donnait des airs d'impartialité en laissant dire quelque chose en ma faveur et elle riait en m'empêchant de faire la seule chose qui me pût défendre. Au retour de Louis XVIII, on exhuma de nouveau l'essai. Comme on avait voulu s'en servir contre moi au temps de l'Empire, sous le rapport politique, on voulait me l'opposer au jour de la Restauration sous le rapport religieux. J'ai fait une amende honorable si complète de mes erreurs dans les notes de la nouvelle édition de l'essai historique qu'il n'y a plus rien à me reprocher. La postérité viendra, elle prononcera sur le livre et sur le commentaire si ces vieilleries-là peuvent encore l'occuper. J'ose espérer qu'elle jugera l'essai comme ma tête grise l'a jugé, car, en avançant dans la vie, on prend de l'équité de cet avenir dont on approche. Le livre et les notes me mettent devant les hommes tel que j'ai été au début de ma carrière, tel que je suis au terme de cette carrière. Au surplus, cet ouvrage que j'ai traité avec une rigueur impitoyable offre le compendium de mon existence comme poète, moraliste et homme politique futur. La sève du travail est surabondante, l'audace des opinions poussée aussi loin qu'elle peut aller. Force est de reconnaître que dans les diverses routes où je me suis engagé, les préjugés ne m'ont jamais conduit, que je n'ai jamais été aveugle dans aucune cause, qu'aucun intérêt ne m'a guidé, que les partis que j'ai pris ont toujours été de mon choix. Dans l'essai, mon indépendance en religion et en politique est complète. J'examine tout. Républicain, je sers la monarchie. Philosophe, j'honore la religion. Ce ne sont point là des contradictions, ce sont des conséquences forcées de l'incertitude de la théorie et de la certitude de la pratique chez les hommes. Mon esprit, fait pour ne croire à rien, pas même à moi, fait pour dédaigner tout, grandeurs et misères, peuples et rois, a nonobstant été dominé par un instinct de raison qui lui commandait de se soumettre à ce qu'il y a de reconnu beau. Religion, justice, humanité, égalité, liberté, gloire. Ce que l'on rêve aujourd'hui de l'avenir, ce que la génération actuelle s'imagine avoir découvert d'une société à naître, fondée sur des principes tout différents de ceux de la vieille société, se trouve positivement annoncé dans l'essai. J'ai devancé de 30 années ceux qui se disent les proclamateurs d'un monde inconnu. Mes actes ont été de l'ancienne cité, mes pensées de la nouvelle, les premiers de mon devoir, les dernières de ma nature. L'essai n'était pas un livre impie, c'était un livre de doute et de douleur, je l'ai déjà dit. Du reste, j'ai dû m'exagérer ma faute et racheter par des idées d'ordre tant d'idées passionnées répandues dans mes ouvrages. J'ai peur, au début de ma carrière, d'avoir fait du mal à la jeunesse. J'ai à réparer auprès d'elle et je lui dois au moins d'autres leçons. Qu'elle sache qu'on peut lutter avec succès contre une nature troublée. La beauté morale, la beauté divine, supérieure à tous les rêves de la terre, je l'ai vue. Il ne faut qu'un peu de courage pour l'atteindre et s'y tenir. Afin d'achever ce que j'ai à dire sur ma carrière littéraire, je dois mentionner l'ouvrage qui la commença et qui demeura en manuscrit jusqu'à l'année où je l'insérai dans mes œuvres complètes. À la tête des Natchez, la préface a raconté comment l'ouvrage fut retrouvé en Angleterre par les soins et les obligeantes recherches de messieurs de Thuisy. Un manuscrit dont j'ai pu tirer à Talard, René et plusieurs descriptions placées dans le génie du christianisme n'est pas tout à fait stérile. Ce premier manuscrit était écrit de suite, sans section, tous les sujets y étaient confondus, voyage, histoire naturelle, partie dramatique, etc. Mais auprès de ce manuscrit d'un seul jet, il en existait un autre, partagé en livres. Dans ce second travail, j'avais non seulement procédé à la division de la matière, mais j'avais encore changé le genre de la composition en la faisant passer du roman à l'épopée. Un jeune homme qui entasse pêle-mêle ses idées, ses inventions, ses études, ses lectures, doit produire le chaos. Mais aussi dans ce chaos, il y a une certaine fécondité qui tient à la puissance de l'âge. Il m'est arrivé ce qui n'est peut-être jamais arrivé à un auteur, c'est de relire, après 30 années, un manuscrit que j'avais totalement oublié. J'avais un danger à craindre. En repassant le pinceau sur le tableau, je pouvais éteindre les couleurs. Une main plus sûre, mais moins rapide, courait risque, en effaçant quelques traits incorrects, de faire disparaître les touches les plus vives de la jeunesse. Il fallait conserver à la composition son indépendance, et pour ainsi dire sa fougue. Il fallait laisser l'écume au frein du jeune coursier. S'il y a dans les Natchez des choses que je ne hasarderais qu'en tremblant aujourd'hui, il y a aussi des choses que je ne voudrais plus écrire, notamment la lettre de René dans le second volume. Elle est de ma première manière et reproduit tout René. Je ne sais ce que les René qui m'ont suivi ont pu dire pour mieux approcher de la folie. les Natchez s'ouvrent par une invocation au désert et à l'astre des nuits, divinité suprême de ma jeunesse. À l'ombre des forêts américaines, je veux chanter des airs de la solitude, tels que n'en ont point encore entendu des oreilles mortelles. Je veux raconter vos malheurs, ô Natchez, ô nation de la Louisiane, dont il ne reste plus que les souvenirs. Les infortunes d'un obscur habitant des bois auraient-elles moins de droits à nos pleurs que celles des autres hommes? Et les mausolées des rois dans nos temples sont-ils plus touchants que le tombeau d'un Indien sous le chêne de sa patrie? Et toi, flambeau des méditations, astre des nuits, sois pour moi l'astre du Pinde. Marche devant mes pas à travers les régions inconnues du Nouveau Monde pour me découvrir à ta lumière les secrets ravissants de ces déserts. Mes deux natures sont confondues dans ce bizarre ouvrage, particulièrement dans l'original primitif. On y trouve des incidents politiques et des intrigues de roman. Mais à travers la narration, on entend partout une voix qui chante et qui semble venir d'une région inconnue. De 1812 à 1814, il n'y a plus que 2 années pour finir l'Empire. Et ces 2 années, dont on a vu quelque chose par anticipation, je les employais à des recherches sur la France et à la rédaction de quelques livres de ses mémoires. Mais je n'imprimais plus rien. Ma vie de poésie et d'érudition fut véritablement close par la publication de mes 3 grands ouvrages, Le génie du christianisme, Les martyrs et L'itinéraire. Note. Sauf en ce qui concerne les incidents de sa vie littéraire, les mémoires de Chateaubriand ne nous fournissent presque aucun détail sur ces 2 années de 1812 à 1814. Les souvenirs de Madame de Chateaubriand nous permettent, heureusement, de combler cette lacune. En voici quelques extraits. Au commencement de l'hiver, 1811-1812, nous louâmes un appartement appartenant à Alexandre de Laborde, dans la rue de Rivoli. Vers ce temps-là, M. de Chateaubriand commença à se sentir fort souffrant de palpitations et de douleurs au cœur, ce que plusieurs médecins qu'il consultait en secret attribuèrent à un commencement d'anévrisme. Nous restâmes à Paris jusqu'au mois de mai 1812. De retour à la campagne, les palpitations de M. de Chateaubriand augmentèrent au point qu'il ne douta pas que ce ne fût vraiment un mal auquel il devrait bientôt succomber. Comme il ne maigrissait pas et que son teint restait toujours le même, j'étais convaincu qu'il n'avait qu'une affection nerveuse. Cela ne m'empêchait pas d'être horriblement inquiète. Je ne cessais de le supplier de voir le docteur Laennec, le seul médecin en qui j'eusse de la confiance. Enfin, un soir, Madame de Lévis, qui était venue passer la journée à la vallée, le pressa tant qu'il consentit à profiter de sa voiture pour aller à Paris consulter Laennec. Je le laissai partir, mais mon inquiétude était si grande qu'il n'était pas à un quart de lieue que je partis de mon côté et j'arrivai quelques minutes après lui. Je me cachai jusqu'au résultat de la consultation. Laennec arriva. Je ne pus dire ce que je souffris jusqu'à son départ. Je le guettais au passage et lui demandai ce qu'avait mon mari. « Rien du tout, » me répondit-il. Et là-dessus, il me souhaita le bonjour et s'en alla. En effet, 5 minutes après, j'entendis le malade qui descendait l'escalier en chantant, et quand il rentra vers 11 heures, il fut enchanté de me trouver là pour me raconter que Laennec trouvait son mal si alarmant qu'il n'avait pas même voulu lui ordonner des sangsues. Il n'avait qu'une douleur rhumatismale. Monsieur O, qu'il rencontrait chez Madame de Duras, avait un anévrisme des plus caractérisés, et l'imagination s'en étant mêlée, une douleur à laquelle Monsieur de Chateaubriand n'aurait pas fait attention dans un autre moment, pensa lui causer une maladie réelle. Nous passâmes l'hiver à Paris, dans l'appartement que nous avions loué, rue de Rivoli. Nos soirées étaient fort agréables. Monsieur de Fontanes et Monsieur de Humboldt étaient nos plus fidèles habitués. Nous voyions aussi beaucoup Pasquier et Molé. Dès le mois d'avril 1813, nous retournâmes dans notre chère vallée. Nous continuions à voir nos amis de l'un et de l'autre bord. Quelquefois, cependant, nous trouvions insupportable d'entendre des préfets, des grands juges et des chambellans de Bonaparte se traiter de monarchiques et appeler jacobins tout ce qui ne pliait pas sous la royauté corse. Nous revînmes à Paris au mois d'octobre. L'étoile de Bonaparte commençait à pâlir. Fin de note. Mes écrits politiques commencèrent à la Restauration. Avec ces écrits également commença mon existence politique active. Ici donc se termine ma carrière littéraire proprement dite. Entraînée par le flot des jours, je l'avais omise. Ce n'est qu'en cette année 1839 que j'ai rappelé des temps laissés en arrière de 1800 à 1814. Cette carrière littéraire, comme il vous a été loisible de vous en convaincre, ne fut pas moins troublée que ma carrière de voyageur et de soldat. Il y eut aussi des travaux, des rencontres et du sang dans l'arène. Tout n'y fut pas muses et fontaines Castalie. Ma carrière politique fut encore plus orageuse. Peut-être quelques débris marqueront-ils le lieu qu'occupèrent mes jardins d'académe. Le génie du christianisme commence la révolution religieuse contre le philosophisme du XVIIIe siècle. Je préparais en même temps cette révolution qui menace notre langue, car il ne pouvait y avoir renouvellement dans l'idée qu'il n'eût innovation dans le style. Y aura-t-il après moi d'autres formes de l'art à présent inconnues ? Pourra-t-on partir de nos études actuelles afin d'avancer, comme nous sommes partis des études passées pour faire un pas ? Est-il des bornes qu'on ne saurait franchir parce qu'on se vient heurter contre la nature des choses ? Ces bornes ne se trouvent-elles point dans la division des langues modernes, dans la caducité de ces mêmes langues, dans les vanités humaines telles que la société nouvelle les a faites ? Les langues ne suivent le mouvement de la civilisation qu'avant l'époque de leur perfectionnement. Parvenues à leur apogée, elles restent un moment stationnaires, puis elles descendent sans pouvoir remonter. Maintenant, le récit que j'achève rejoint les premiers livres de ma vie politique précédemment écrits à des dates diverses. Je me sens un peu plus de courage en rentrant dans les parties faites de mon édifice. Quand je me suis remise au travail, je tremblais que le vieux fils de Coélus ne vît changer en truelle de plomb la truelle d'or du bâtisseur de Troie. Pourtant, il me semble que ma mémoire, chargée de me verser mes souvenirs, ne m'a pas trop failli. Avez-vous beaucoup senti la glace de l'hiver dans ma narration ? Trouvez-vous une énorme différence entre les poussières éteintes que j'ai essayé de ranimer et les personnages vivants que je vous ai fait voir en vous racontant ma première jeunesse ? Mes années sont mes secrétaires. Quand l'une d'entre elles vient à mourir, elle passe la plume à sa puinée et je continue de dicter. Comme elles sont sœurs, elles ont à peu près la même main. Ici se termine la deuxième partie des Mémoires d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand.